Master Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs d'RQC 95 FM. Avec vous jusque 22h, Scream qui sera rejoint d'ici quelques minutes par Sylval, le slasher, lui étant en repos aujourd'hui. Alors on va commencer cette émission, déjà on nous fait déjà les remarques, vous avez changé de position, tout simplement parce que notre petit chargeur nous a lâché les amis. Voilà, il nous a rendu l'âme, donc on l'a mis directement connecté à autre chose pour pouvoir faire le direct vidéo. Coucou les amis, voilà, comme ça on a répondu à vos questions. On va commencer par une triste nouvelle, comme vous le savez tous, mercredi dernier, c'est éteint à l'âge de 52 ans, Chris Cornell, chanteur de Soundgarden, chanteur d'Audioslave et de Temple of Dog, et nous, sa façon de, à nous, de Riff d'Enfer, de lui rendre hommage, c'est tout simplement en passant un extrait de l'artiste, et on va s'écouter Super Know de Soundgarden et on se retrouve tout de suite après pour des choses un peu plus gaies. Voilà les amis. We'll be right back. Alors bonsoir Sylvelle. Bien le bonjour Monsieur Scream. Voilà, donc les auditeurs étaient un peu perdus parce que t'as changé de position. Oui, moi aussi j'entends ça dans la radio, je dis oula, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? C'est les aléas de la technique, mais bon voilà, on te voit quand même, un peu plus petit, mais on te voit. Voilà, mais bon, sinon... Bon, enfin, moi, ça me dérange pas, même qu'on me voit pas, c'est pas... Non, mais enfin, ce sera remis, parce que les auditeurs, maintenant, on a une aisance de nous voir, donc voilà. Voir si on n'a pas des pustules, si on n'attrape pas des cheveux blancs, si on n'est pas bronzé, parce qu'avec ce soleil, ouais, il fait bon. Et oui, nous animons sous un soleil et une température de 28 degrés, les amis. 28 degrés, et dans le studio, il fait chaud, hein, t'as remarqué ? Il fait une chaleur de fou, là. Ouais, et on peut même pas, malheureusement, faire aller le ventilo, sinon ça va faire... C'est... Ouais, voilà, voilà, bah oui. Ouais, voilà, pour l'aisance aussi des auditeurs. Sinon, ça va, ce week-end s'est bien passé? Bah écoute, oui, tranquillou. Voilà, donc là, on a rendu hommage à Chris Cornell. Oui. Toi, t'aimais bien, en plus, tu m'as dit que c'était un beau gosse quand même. Hein. Ouais. Il avait des beaux yeux clairs. Hein. Ouais, il était pas mal, hein. Bel homme, c'est dommage, ouais. Quoi. Mais on n'est pas dans la tête des artistes. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai cru que sa vie, elle n'était pas rose. Hein. Moi, j'ai cru au départ que c'était une mort accidentelle, comme ça, et apparemment, il a décidé de mettre fin à ses jours. C'est son choix. Ben oui. Voilà, voilà. Le Sacheur nous écoute, nos auditeurs habituels nous écoutent aussi, et ça fait chaud au cœur. Voilà, d'ici 2-3 semaines, on va faire un Hellfest, un spécial Hellfest, car ça approche à grands pas. Eh oui, on va y être vite maintenant à notre Hellfest. Hein. 4 semaines, jour pour jour. 4 semaines, jour pour jour. Le Hellfest, les interviews se commencent à se caler tout doucement. Et on aura normalement des cadeaux à vous faire remporter. Donc on verra ça à la Special Hellfest. Ouais, ça, je te laisse faire pour les cadeaux. Je sais que c'est ton truc de faire les cadeaux. On ne vous montrera pas nos fests. Nos fests. Nos fests. Hellfest. Non, mais ça va. On voit que le soleil chauffe. Ouais, j'ai dur aujourd'hui, j'ai très dur. Voilà, alors on va continuer cette programmation avec Astral Doors, avec Rick Wright Out. L'album s'appelle Black Eyes Children. Sinon, on vous rappelle, quand ça va être la spéciale Hellfest, on va vous jouer que des groupes qui se produiront au Hellfest. Voilà, tout à fait. Allez. Donc vous allez bouffer d'une Glorious. On doit jouer 154 groupes, on ne pourra pas jouer 154 groupes, mais on va essayer de jouer un maximum de groupes. De Inglorious, maximum. On va essayer de jouer un maximum de groupes, moi je vous garantis, ça va être dur, parce que le choix va être dur, il y a tellement de bons groupes. Déjà rien que quand on voit la programmation qu'on a fait pour les interviews, si on doit jouer tous les groupes d'interviews, on a passé avec 2 heures d'émission. Voilà. C'est clair. Allez, Astral Doors, c'est tout de suite, on se retrouve tout de suite après, oui, t'as compris? Voilà, tout le monde a compris. We're Alors, Astral Dehors, c'était We Cried Out. Je trouve qu'il a un peu un timbre de voix quand même, un peu de loin quand même, à la Ronnie James Dio. Je sais pas si ouais, c'est un peu de loin, hein, De loin. Avec ouais, les... je trouve de loin. Bah, c'est peut-être les intonations qui font ouais, que... peut-être, c'est peut-être le style, ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas ouais, mal c'est du pas tout. Mal. On en profite pour faire un petit coucou à Vaken qui nous a mis « Allô les amis, coucou les amis, coucou l'ami, coucou tout le monde ». Oui, coucou à tous nos auditeurs, auditrices. Voilà. Moi aussi, je crois que j'ai bien pas fouillé ce soir. Tu vas pas être tout seul. Bah, c'est bien. Au moins, j'aurais moins l'air con. On sera tous non, on sera deux. À l'air con. Avoir l'air con. Et encore, il nous manque le troisième. Alors là, on aurait fait le trio. Trio infernal. Le trio infernal, comme tu dis. Justement, on peut aussi annoncer la bonne nouvelle quand même. On a quand même des noms en plus à annoncer aussi pour le Rhymefest. Hein. Ah oui, tout à fait. Il y a Yann Armarillo, c'est ça ? Oui, avec Monsieur El Bucho, qu'on a rencontré à la warm-up du Splendide. Oui. Donc, j'étais vachement surprise quand j'ai vu l'affiche du REM et qu'ils étaient annoncés. Donc là, ça ne sera pas avec son groupe Showtime de tribute des années 80. Mais franchement, c'est aussi un super bon album. Oui, mais ça sonne aussi quand même années 80, ce qu'ils tout ont fait. Tout à fait. Il y aura aussi Van Den Place. Ah oui, il y aura mes copains aussi, Ed Blaster. Oui, et tout ça, et normalement ils ont fait un effort, il y aura une grande scène je crois pour... Ben oui, d'après ce que j'ai entendu et ce que je discutais avec des amis, ça jouerait sur la grande scène et ça serait bien. Ça. C'est quand même mieux. Alors, tu nous as choisi le premier titre, c'est quoi ? Alors, c'est un groupe d'origine allemande. Allemande. Ah, tu sais que j'aime bien les Allemands, donc voilà. Mmh. Alors, le titre, c'est du groupe. Hein. Oui. C'est Oren Fent. Oui. Et le titre, c'est Stark Trum Baby. D'accord. Tout un programme. Donc, il y aura une surprise. Je te laisse passer le disque. Et puis voilà, il y aura une petite surprise. Dans le disque ? Ah, tu verras, t'écouteras vu que c'est une nouveauté. D'accord. Par contre, l'album, parce que là, je le vois sur la truc, je vais essayer. Ziut Fürste. Puis là, je comprends plus rien. Il rock, c'est tout ce qui est marqué après. Je l'ai pas. Non, non, mais c'est très dur. Hein. C'est très dur parce que des fois, c'est l'allemand. Voilà. Bah, moi, c'est marrant, tu vois, c'est l'inverse. J'ai plus de facilité en allemand qu'en anglais. Mmh, voilà. Enfin, je vais voir ta surprise. Oui, voilà. Je risque d'être choqué ? Non. Non, ah, je ne sais pas. Allez, donc, je te laisse annoncer le groupe. Donc, c'est Oren Fent avec Stark Strom Baby. D'accord, c'est parti. Allez, on va découvrir ta première. Ma song. Première de découverte, on va dire ça comme ça. Le menu découverte de Sylval. Eh oui. Licht an. Du hast 1000 PS. Du bist so abgefahren. Du kannst 7 Sprachen und Mathe kannst du auch. Rast mir mit 100 Sachen. Tausend Sonnen, du machst mich Gänsehaut. Dein Herz wiegt 100 Tonnen, unlöschlich laut, so laut. Starkstrom, Beam auf Methanol. Starkstrom, Beam. Du liest die besten Netter, Eh ben, c'est pas mal du ouais. tout. Hein. Ouais, franchement. Ouais, moi, j'aime bien. Donc, la surprise, tu l'as entendu comme tout le monde, c'est un chant allemand. Ouais, voilà. Ben, bon, toi, t'aimes bien, mais ça va, là, ça passe bien parce que c'est. Ouais, c'est vachement rock'n'roll. C'est rock'n'roll, quoi, voilà. Mais moi, je trouve que tous les chants allemands passent bien, que ça va de. Mm-hmm. De Rammstein à ça, ça me dérange Rammstein. Pas. Mon petit Juju, là, qu'il est dans son train, une petite pensée pour lui. Ah oui, c'est vrai, il y avait des séances dédicaces. La séance dédicace de tous les membres Rammstein sur Paris. Ouais. Bah, malheureusement, je ne l'accompagne pas parce que bah, tu sais que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Bah. Avec le Hellfest et les festivals qui nous attendent, je ne peux pas toujours prendre des congés, quoi. Mais j'ai mal à mon cœur parce que... Bah, j'aurais bien aimé de les voir. Et puis, bon, bah, lui, il me laisse jamais tomber. Il est venu jusqu'en Allemagne voir Motley Crue, qui en a vraiment rien à cirer. Mais bon, il me laisse jamais tomber. Et moi, je laisse tout le temps tomber. Quoi. Bah, enfin, tu peux dire que voilà. C'est partie remise parce que Rammstein n'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis. Non, je pense mais pas. Mais peut-être c'est sur des longues échéances, eux, par contre. Ils sortent pas un album tous les 6 du mois. Voilà, c'est ça le problème. Ouais, bah, en général, ils prennent leur temps pour faire quelque chose de très bon, je pense. Ouais. Enfin, toi, t'aimes pas tellement. Ben, c'est pas ça, c'est le fait que bon, j'ai dur avec le chant allemand, comme voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que scéniquement, je les avais jamais vus. On les a vus l'année dernière au Download, c'est ça, Download. Et je suis resté sur le cul, le peu que j'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop Rammstein et que j'ai fait découvrir Rammstein, comme moi, on me l'a fait découvrir, parce que j'aimais pas du tout Rammstein. Et bah, tout le monde est sur le cul aussi. Hein. C'est bon, c'est. À la base, moi, je n'aimais pas Rammstein. Moi, j'aime le premier album. Le premier album, il n'y a rien acheté de Rammstein. Parce que j'avais reçu à l'époque, quand j'étais animateur sur des autres fréquences, j'avais reçu l'album. Là, on pouvait encore recevoir des albums. Et là, j'ai carrément refusé l'interview parce que je pouvais faire l'interview. Mais comme ça chante allemand, je dis, bon, en plus, ça ne passera pas, quoi. Je m'en remords les doigts parce que ah bah oui, maintenant, ouais. Ça percera pas. C'est ce qui a percé du feu de Dieu. Ouais. Hein. Mais bon, on n'a pas une boule de cristal. Si on avait une boule de cristal, bah, je crois qu'on reviendrait beaucoup en arrière. Mais bon, c'est vrai que sur scène, ça déménage pas mal. Ça déménage pas mal du tout. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'adeptes aussi de Rammstein. Pour, je sais pas si maintenant il ferait une scène sans pyrotechnie ou quoi, si ce serait la même alchimie, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a des gens aussi qui vont voir pour le show de Rammstein parce qu'il est très beau. Bah, c'est un peu comme tout, hein. Tu sais, moi il y a des groupes, on en a déjà discuté, j'aime bien de les voir en concert, par contre j'aime pas écouter les albums. Ouais. Mais de les voir en concert, c'est un plaisir. Ouais, comme tu m'avais dit avec par exemple. Bah, par exemple, je vais pas cracher dessus, hein, Ministry. Ouais, j'adore Ministry en concert. Mais en album. Mais à un moment donné, je le mets dans ma voiture, je dis ouf, c'est pas du tout la même ambiance sur album et sur en concert. Voilà, Ministry qui sera d'ailleurs au Hellfest aussi. Il est là, ouais. Ils seront là et bon, on espère, on croise les doigts, on verra bien. Toutes les demandes sont parties. Hein. Mmh. Alors, on poursuit avec la Slasher Song. Je sais que plus tard, il sera un perfect gentleman. Il a choisi donc ce titre de Master of the Ring de Halloween. Perfect gentleman. Donc voilà, c'est la Slasher Song de notre petit slasher aujourd'hui qui n'est pas là mais qui nous écoute. Eh oui. Alors, c'est le slasher. Sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. I want all the kites. Voilà, bah, c'était le choix du slasher. Hein. Mais plus tard, il sera sûrement Perfect Gentleman, à mon avis. Oh, je pense. Notre petit slasher. Alors voilà, donc c'était Halloween, c'était slasher Chang. Voilà. Donc, si vous entendez, on s'envole pas, on a trop chaud. Là, ouais, là on a mis chaud. Le ventilo en ouais. route quand même. Voilà. On tient à s'excuser, mais voilà, compatissez. Sinon, on va demander pour avoir un congélateur et on va animer dans un congélateur. Ouais. Ça serait pas mal. Alors. C'est nouveau, c'est tout frais. On a reçu rien que le single. Je me réjouis d'avoir l'album pour voir ce que ça va donner. Alors, le groupe s'appelle Sugar, mais pas Sugar comme le sucre, Sugar. Et le titre, c'est Grinder. Grinder. Ça pourrait. On met un K plutôt et on enlève le R. Ça fait plutôt du bonbon au chocolat, mais nous ne sommes pas là pour parler de chocolat. C'est vraiment pas mal du tout. J'attends de voir l'album avec impatience pour voir ce que ça peut nous pondre. Voilà, parce que quand on reçoit un single, après on est pressé de voir l'album et des fois ça sort deux mois après. Quoi. Et des fois on est déçu. Mais là c'est pas mal, franchement. Déjà, cet extrait-là, il décoiffe pas mal. Ok. We'll be right back. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas mal, hein, Schinger. Ouais, c'est pas mal. Schinger avec Gringer, le titre. On attend l'album avec impatience. Mm-hmm. On va voir ce que ça va nous réserver, cet album. On verra. Donc qui vivra verra, comme on dit. Le prochain, c'est encore un single qu'on a reçu. Mais là, on nous a déjà donné le titre de l'album. L'album s'appelle The Druid King, donc le roi des druides, des druides. Et le titre qu'on va vous passer, c'est Watch the Banner Fall, et c'est Nivien. Moi, j'aime bien la pochette, elle est vraiment superbe. On va s'écouter ça, et puis après, ce sera un de tes titres. Ok, pas de problème. Yes. Yeah. Bah c'est bien, c'est du bon power quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Nivien avec Watch the Banner Fall, The Dread King. On verra bien ce que l'album va nous apporter d'ici quelques semaines. Alors, le prochain que tu as choisi, c'est quoi ? Alors, le prochain, c'est toujours dans les news. Donc, c'est Snake Charmer avec le titre Sounds Like a Plain. Est-ce que les serpents sont charmeurs ? Ah, il y a des charmeurs de serpents ? Ouais, ça c'est plutôt le contraire. Mais j'ai vu un truc, en parlant comme ça bêtement, un truc sur le net, il fallait que je le dise, quoi. Le mec, il vient avec, tu vois, un sac, on va dire un sac où, quand tu vas couper l'herbe, tu vois, des gros sacs au moins, de farine, là, des gros sacs qui font pratiquement 1m20, 1m30. Le mec, il arrive sur un chantier. Il a claqué le serpent sur un gars. Non. Tu vois le sac, il est rempli, mais il est blindé. Hein. Ouais. Et il retourne le sac, et franchement, allez, je crois qu'il doit avoir 200-300 serpents. Et le mec, il met ses mains comme ça pour les séparer. Tu le vois qu'ils partent dans la forêt. Quelqu'un qui le claquait sur un pote en train de faire une sieste. Fais attention à quoi, de faire une crise cardiaque. Bah ouais, c'est... Si c'est quelqu'un qui a peur ou une phobie. Mmh. Mais c'est encore une fois, c'est des gens qui font ça pour... pour être filmé, le plus de voilà. Likes possible, tout encore une fois. Voilà. Mais le mec là qui... Bah il y a des gens qui n'ont pas peur de ces bestioles là. Non, moi j'ai pas peur. Hein. J'ai peur les reptiles en plus. C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question que... Le mec, tu vois, vraiment qui mettait les mains... Ouais, ça me dérange pas, moi. Mais bon, ça venait d'Inde ou quoi, à mon avis, je sais pas quel genre de serpent c'est. Ou alors, tu sais, maintenant, il y a aussi des gens qui se font mordre. Et ils sont tellement mordus qu'à la fin, ils sont immunisés. Non, j'y crois pas. C'est ce que j'avais entendu maintenant. Non. Je n'essaierai quand même pas non, de le faire. Tu peux aller aux urgences, je te le rassure tout de suite. Moi, j'essaierai pas de le faire. Pour l'antidote, absolument. Mmh. Bah, comme toi, tu as été aux États-Unis comme moi d'ailleurs. Mmh. C'est pas si tu as visité quelques chantiers d'Indiens. Et chez nous, par exemple, il est marqué, il y a des plaques, défense de traverser là parce qu'il y a telle ou telle bête. Ouais. Et là, c'est au voit un crotal, donc un serpent à sonnette. Ah oui, oui. Vous éloignez pas des chantiers, alors on entend. Ça donne vraiment pas envie de s'éloigner du jour, je peux te le dire. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, c'est Snake Charmer avec Sounds Like a Plain. Bad luck, but I nearly made it. Twice I never been my style. And crashed out, but I wouldn't trade it. Straight down, but I can't complain. It don't matter, cause Eh ben, que dire ? Eh oui, donc c'était Snake Charmer avec Sounds Like a Plane. Alors, t'es charmé par les snakes ? Oui, là, je suis charmé par ce genre de serpent. Ça, j'en veux bien tout le temps. C'est pas mal, bien, hein ? C'est vraiment ça, bien. Ça, c'est rock'n'roll, ça bouge bien aussi, ça. Ouais, hein. C'est ce qu'on aime ici dans Rive d'Enfer. On aime de tout, hein, vous tracassez oui, pas. Oui, on aime de tout. Mais je veux après, dire, c'est il y a vraiment... plusieurs émissions métal chez RQC. Il y en a, ils sont... plus spécialisé dans le trash, dans le black, dans le hardcore, ouais, tout à fait. Dans le punk. Nous, c'est plus heavy, rock, glam, trash aussi, hein, ouais. Parce que t'en passes pas mal aussi, toi. Ouais, c'est beaucoup de nouveautés quand même. Ben. Oui, ben fatalement, nous, on a partenariat avec les nouveautés déjà. Mmh, voilà, tout à fait. Mais c'est vraiment bien, c'était vraiment bien le titre donc, que tu nous as passé. Et oui. Voilà, petite découverte encore. Alors le prochain, ben, c'est Tonton Roger qui nous l'a envoyé. C'est Barthes. L'album s'appelle First the Tau Turn the World. Et on va s'écouter le titre éponyme. La pochette, ben, ça fait déjà un petit loup qui tient la terre dans ses mains. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Et ben on oui. se retrouve tout de suite après. Voilà, alors c'est franchement bien. Barthes avec The First, The Tone, Turn the World. Franchement, c'est le titre éponyme de l'album. Vraiment bien. Et on remercie Tonton Roger de nous avoir envoyé cette galette, les amis. Eh oui, c'est toujours des bons titres. Ouais, voilà. Alors le prochain, l'album est arrivé. J'ai kiffé leurs premiers albums. Et là, déjà avec le titre que j'ai plagié ici pour vous ce soir, qui s'appelle Why the People, extrait de l'album Why the People, donc titre éponyme, c'est Adrenaline Mobs. Eux aussi, je les attends au tournant pour les voir en concert. Ça décoiffe pas mal. On va s'écouter ce titre et on va arriver tout doucement vers la balade crapuleuse. Je l'avais dit quand même. Hein. Ouais. Adrenaline Mobs, ça joue toujours bien. We the People. Voilà, bah, l'album, il est dans le même acabit. Ça passera peut-être. Hein. On espère. Il y a plein de groupes qui sortent des albums, donc on espère les voir incessamment sous peu sur les planches chez nous ou par chez nous, pas trop loin. Quoi. Ça fait plaisir. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter. Attention, c'est Intormentata. Intormentata, Quartet avec Sole. L'album s'appelle Fenistaticio. C'est de l'espagnol, hein, fatalement. Donc on va s'écouter ce titre avant la balade crapuleuse. Hard. Voilà, comme on disait, un peu avec une voix un peu d'outre-tombe, comme ça. Ouais. C'était In Tormentata Quetet Sole. Voilà, donc c'est de l'espagnol. Moi, ça me fait marrer. Oui, c'est pas mal, hein, voilà. Pourquoi pas. Alors, le prochain, ben, c'est une balade. Mm-hmm. J'ai été choisir une balade. Donc, l'album s'appelle Neverland. Le titre qu'on va se jouer, c'est Anger Love. Et le groupe, c'est Los Angeles. C'est pour ça que j'ai dit tu vas te marrer. Quoi. Voilà, parce qu'on parlait justement qu'on aura envie de retourner à LA, car c'est, pour moi, c'est la ville où on ne dort pas. Ouais. Avec Las Vegas. Ah, j'aime bien Las Vegas. Ouais. Moi, j'ai une préférence pour Las Vegas. Bon, moi, c'est plutôt LA. Pas pour les jeux. Hein. Je ne suis pas du tout jeu, moi, en plus. Mais c'est tellement beau, tellement féerique. Le soir, mais la journée... Ah, la journée, il fait une chaleur de dingue. La journée de dingue, t'as pas envie de bouger, quoi. Non, c'est étouffant, Las Vegas. Ça, ouais. La journée, c'est étouffant. Et puis, ça n'a pas du tout le même aspect le jour et la nuit. Ouais. C'est vraiment le mot à dire, le jour et la nuit. Tout à fait. Mais bon, t'as le Hard Rock Café de Las Vegas qui est magnifique, et t'as le Harley Davidson Café. Ouais. Enfin, moi, j'ai été au Hard Rock Café, mais pas le Harley Davidson Café. Il existait peut-être pas encore à l'époque. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'atterrir de nuit à Las Vegas, ça c'est magnifique. T'atterris, ah, c'est super. T'atterris de nuit, c'est magnifique. Mais moi j'ai plus une préférence pour LA. Ben, moi je suis plus maison de disques, parc d'attractions, fatalement. Et, ouais. Et on avait eu l'occasion, je fermerai directement la parenthèse parce que ça, on a eu l'occasion de rentrer chez Sony Music. Mm. Maison de disques, parce que j'avais été, parce que je suis fan de Michael Jackson, et on avait pu voir plein de choses, et on est retourné, mais avec les mains remplies, quoi, remplies, et pour pouvoir dédouaner les disques et les CD qui passaient, ils sont obligés de perforer une partie de la pochette. Ah oui, j'avais entendu ça. Alors moi, j'étais pas très, très d'accord, parce que ça perd de la valeur, quoi, voilà, mais enfin. Petite anecdote, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est une ville de rêve, quoi. Comme New York, ça doit être beau à voir quand même aussi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est plus rock'n'roll, comme on aime bien, nous. Elle est, oui. Et... elle est plus métal. Ouais. Tandis que New York, c'est plus bling-bling. Les bling-bling. Puis ça doit être plus rappé R&B, voilà. New York, c'est je pense. Ouais. Beyoncé, enfin, ouais, voilà. Ce genre de choses. Que j'ai rien contre non plus. Hein, mais non, bon, non. C'est plus bling-bling. La maman de Connor, Luce Lachon, me le disait. Ouais. Voilà. Enfin, voilà. Allez, on est parti à Los Angeles. Anger, Love, c'est la balade crapuleuse. Et après, on retrouve un petit titre. Ok. Something here, sent from up above for me. Et ben voilà, on s'est envolé du côté de LA avec le groupe donc Los Angeles, Hunger Love, l'album s'appelle Neverland. C'est pas mal hein, ça. Bien. C'est ce qu'on écoute généralement sur les fréquences radiophoniques de là-bas. Hein, généralement, oui. C'est du, on appelle ça de l'AOR. Exactement. Voilà. Et puis ça n'a rien à voir là-bas avec les hard rock cafés de Paris ici et de là-bas. Ouais. Là-bas, c'est vraiment du hard rock qui passe. Ouais, tout à fait. Ouais. Et oui, et oui. Alors, Sylvain, tu nous as choisi quoi pour ton troisième titre ? Alors, moi, j'ai choisi Royal Hunt avec le titre River of Pain. Donc, c'est un groupe du Danemark. Des Danois. Toi, tu restes bien. Généralement, tu es concentré, souvent, dans ce côté-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sortent des pays nordiques. Donc, Suède, Norvège. Ils sont très prolifiques, hein. Ouais, Danemark aussi. Ouais, Danemark, d'ailleurs, on va rencontrer bientôt nos Danois. Ouais, Yadi. Eh oui, dans quelques mois, dans quelques dodos, mais dans juin, juillet, août, septembre, 4 mois. Et on va encore. Stick, qu'est-ce qu'il va encore nous faire ? Bah, je ne sais pas, on verra bien. On verra bien tout ça. Ouais, notre énergumène est un mec super charmant aussi. Bah, ils sont tous charmants. Ouais, ils sont tous sympathiques. À part une personne que j'aime un peu t'aimes moins bien, mais bon. Il est plus réservé, à mon avis, c'est ça. Peut-être. Mais Stig, peut-être timide aussi, ouais. Hein, on ne sait pas. Stig, ben, peut-être que le slasher fera encore un combat de pouce avec lui, comme il avait fait la fois dernière. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, ben, c'est vraiment. J'aimerais Juliette quand même, parce que cette année au Rumfest, c'est quand même une belle affiche. Ah, c'est une très très belle affiche. Maintenant, on va croiser les doigts pour avoir. Un temps comme ça, ce serait impeccable. Bah, c'est ce que je souhaite à tous les festivaliers plein air, c'est d'avoir du temps comme aujourd'hui. Voilà, c'est l'idéal. Voilà, impeccable. Pas trop chaud ni trop froid. Et avec pas de pluie, surtout par pitié, pas de pluie. Et avec les soirées un peu plus douces, mais pas trop fraîches. Comme ça, c'est impeccable. Ça, encore, ça passe, mais pas de pluie surtout, parce que c'était une catastrophe au Grass Pop l'année dernière. Ouais. C'était pas possible. Ah ouais, là. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, Royal Hunt avec River of Pain. C'est parti. We'll be right back. Eh ben, si, Sylvain, que dire, franchement, ouais, c'est un bon groupe, hein, ça. Donc, c'était Royal Hunt avec le titre River of Pain. Voilà, donc, on va poursuivre cette programmation musicale avec encore un groupe, on en a parlé justement tout à l'heure. Ils seront au Remfest, c'est Vanden Plas. Ah oui. L'album live vient de sortir, l'album s'appelle The Seraphic Live Works. Et on va s'écouter un titre qui s'appelle Rush of Silence, donc de Vanden Plas, un groupe qui joue, c'est fou comme il joue, quoi. Ouais, c'est bien aussi ça. C'est bien, Vanden Plas. Très sympathique, monsieur Andy. Andy, ouais, Andy Kuz. Ouais. Groupe allemand, ouais, encore une allemand, fois. Allemand, et pas hollandais. Enfin, hollandais, autant pour moi. Allez, c'est parti avec Vanden Plas. Sing! Thanks for your patience. Ben voilà, franchement, c'est ce qui vous attendra au mois de septembre au Rammfest. Vandenplace, ça joue, hein. Ouais, ça joue. Ça joue et on aime vraiment, vraiment bien les amis. Alors, il est l'heure de passer à la Sylvalsung. Et tu nous as choisi quoi, Sylval? Alors, moi, j'ai choisi Vince Neil. Allez. Non, sans blague. Ben, c'est bien, on reste du côté de LA, quoi. Ouais, ouais, carrément. LA et Las Vegas aussi. Mm-hmm. Donc, j'ai choisi l'album Tattoos and Tequila. Oui. Parce que je le trouve super beau, cet album. Mm-hmm. Et j'ai choisi le titre Nobody's Fault. Voilà, c'est la Sylvalsung de ce lundi. C'est parti. Ah oui, d'abord ton petit jingles. All aboard! Yes, yes. Whoa! She's beautiful! And she looks wild! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylvalsung. Oh, Eh ben. Pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est du Vince Neil. Bah, comme on disait, bah, moi je. Voilà, c'est. Sérieusement, j'en peux plus ici. C'est que. Personnellement, je préfère ça que Six I Am. Bah, Six I Am, pourtant j'aime beaucoup Nikki Six, mais. Je trouve que ces morceaux sont assez tristes. Ben, c'est déjà un personnage triste. Est-ce que ça révèle ses émotions ou autre? C'est un personnage déjà triste. Hein. Elle fait de la dépression, ouais, hein, Nikki Six, pour... Enfin, au cas où on ne sait pas. C'est plus voilà. Festif, quoi, tu vois. C'est... Bah ouais, lui, il a la pêche, pourtant, lui aussi, pour être dépressif, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le même personnage du tout. Et puis, je crois qu'il a quand même dû remonter la pente avec certaines choses qu'il a faites. Ouais, mais il y a quand même eu le décès de sa fille. Hein. Ouais, mais bon... Quand tu perds un enfant, ça doit pas être évident. Non. Puis bon, il a fait d'autres choses aussi, malheureusement. Bon, on va pas rentrer sur sa vie. Ouais, mais je crois que le pire, c'est le décès de sa, vie, sa fille. Hein. Mais bon, c'est un bon choix. Donc c'était. Ouais, donc c'était Vince Neil avec Nobody's Fault. Voilà. Alors moi, je vais te faire plaisir. Ouais, tu vas me mettre un deuxième Vince Neil. Oui, parce que on en parlait justement, et je vais vous conseiller aussi, en parlant un petit peu d'autre chose, si vous voulez vous poiler la gueule par les temps qui courent. Regardez le film California Men, donc California Men, et dedans c'est la bande originale du film qui s'appelle tout simplement You're Invited Bird, My Friend Can't Come, et franchement c'est un Vince Neil, et c'est extrait de son premier album qu'il avait sorti donc juste en quittant Motley Crue. Mm-hmm. Avec Steve Stevens qui est entre autres le guitariste qu'on aperçoit dans Dirty Diana de Michael Jackson, qui a fait plein de choses aussi avec Michael. Et franchement, ce titre, je l'adore. On va mettre la version longue avec les paroles et tout, parce que connaissant Vince Neil un petit peu, c'est un peu en dessous de la ceinture, c'est un petit peu. Mais pas du tout. Un petit peu. Et c'est très rock'n'roll. On va s'écouter Vince Neil, c'est tout de suite, c'est maintenant. What's up? Hey, what are you guys looking for? Some extra chicken bones? Vince Neil. You know he's my best friend. Hey, wait, one sec. No, he's in there? Hey, my scooter seats too. Oh. It does? Yeah, sure. Hey, buddy, what are you doing here? Just let me cruise in for a second, bro. Come on! Yeah. said I could present, man. Voilà, c'était mon petit cadeau. Voilà, j'étais gentil aujourd'hui. Hein, donc, ça m'étonne ça. Qu'est-ce que tu vas me demander? 1000 balles. Non, allez. Voilà. C'était Vince Neil. Hein, donc, You're Inhibited. Donc, c'était le premier album Exposed avec la collaboration avec Steve Steven. Franchement, un album, il n'y a rien à jeter. Ouais, trois albums solo. Donc, trois Vince albums solo Snell, de Vince Neil. Voilà. Donc, et moi, je préfère les versions comme ça. Ça bouge bien. Moi, tu vois, je vois bien aussi un El Butcho reprendre ça. Dans, ah oui, bah, c'est sa cam. Hein, bah, ce c'est sûr. Hein, voilà. Enfin, allez. J'espère qu'un jour ils passeront dans le secteur, Vince Neil ou Hellfest ou autre. Ouais. Parce que là, il y a en Slovaquie pour les. Le Metal Death, peut-être, je crois. Slovaquie, Slovénie. Slovénie, Slovénie et Sweden Rock, je crois. En Suède, il me semble. Ouais, mais j'ai cru voir un truc, j'ai cru voir un gros minet. Un gros minet en Allemagne, j'ai cru le voir. Ah, peut-être le Vakal hein. Non, je ne sais plus où. Il y a le Rockingring aussi en Allemagne, donc peut-être. Bah, je me demande si c'est pas ça. Il se produit trois fois, là. Ouais. Mais pas par ici. Enfin, ouais. Pas par ici. Écoute, Vince, si tu nous écoutes, t'as intérêt de venir parce que Sylvain, elle est fâchée. Voilà. Allez, Rhapsody of Fire avec Legendary Year. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et après, on retrouvera ton quatrième extrait de ta sélection. Oui. We'll be right back. Voilà, donc c'était Rhapsody of Fire avec les jeunes Larry hier. Voilà, donc c'est du épique, hein, métal épique. Là, on se retrouve avec ton quatrième extrait, donc c'est... Eh oui, ben, je l'avais dit, hein, vous allez en bouffer, ben voilà, vous en bouffez. Donc c'est Inglorious. Voilà. Eh oui, Inglorious avec leur deuxième album. Donc là, ça tourne dans les festivals en ce moment. Et en ce moment, ça tourne énormément du côté de chez eux, dans leur pays, en Angleterre. Donc si vous avez l'occasion d'aller les voir, il n'y a pas de souci, allez les voir, c'est un groupe super. Donc leur dernier album, il s'appelle 2, tout simplement. Ouais, two, voilà. 2, 2, donc deux petites barres. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, et c'est pas plus mal. Donc Inglorious avec le titre Black Magic. Voilà, c'est parti. Là, c'était pas mal, hein, Sylvain. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc, c'est Inglorious avec le titre Black Magic. Voilà, donc on les verra au Hellfest, il n'y a pas de problème. Oui, et on les a rencontrés à plusieurs reprises. Oui, ils sont très très sympathiques. Il ne faut pas se fier à l'apparence, très très sympathiques. Des gens super charmants qui ne sont pas du tout dire non, on ne veut pas une photo ni rien. Oui, ouais, non, très très gentils. Voilà. L'avant-dernier titre, on va s'écouter Ajatara avec Amen, extrait de l'album La Pause. L'avant-dernier titre de notre soirée, Ajatara, avec le titre Amen. Nous, on se fixe au rendez-vous, déjà l'heure de se quitter. Eh oui, il est déjà l'heure. Ça passe très très vite dans les studios de Rive d'Enfer. Voilà, et on se retrouve, nous, la semaine prochaine avec le Slasher. Tout à fait. Et René, le 12 juin, spécial Hellfest, où il y aura des cadeaux à gagner. Des cadeaux à gogo. Voilà, il n'y aura peut-être pas des gogo danseuses, ni des gogo danseurs, mais il y aura des cadeaux. On peut en trouver, éventuellement. Mais il y aura des cadeaux. Voilà, donc nous, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait, pour une nouvelle émission, nouvelle découverte, menu découverte. Tout à fait. Et on fait un petit coucou à nos auditeurs, nos auditrices qui nous ont écoutés. Oui, donc la caméra, elle reviendra normalement dans son angle normal, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Ouais. Donc ça va revenir dans l'angle normal, là, c'est parce qu'il y a une panne de transfo, donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, on remercie à tous nos auditeurs, auditrices. Un grand merci. De nous écouter, d'être fidèles à travers le monde. Voilà. Un petit coucou à l'Argentine. À la France, Mexico. Le Maroc, partout. Ah, Maroc aussi. Ouais, Morocco. Bonjour à la famille. Ouais. Allez, on se quitte avec Emptiness, avec Circle Girl. Ciao les amis. Ciao Sylvain. RQC. Il est 22h.